J'ai la racaille ambition. Sors la machine à compter les buffons. J'ai la racaille ambition. Sors la machine à compter les buffons. J'ai la racaille ambition. Sors la machine à compter les buffons. J'ai la racaille ambition. Sors la machine à compter les buffons. Les keufs, nos pères ont pris la haine sur moi et mes frères. Ils croient vraiment que pour nous l'accès à la gloire est méfère. Les salles de sport sont désertes, les recettes des barres tabac sont légères. Sur les terrains vagues on sort le CR, frère. Ah c'est le respect se perd comme les balles perdues, pendant que ma côte grimpe comme le prix du carbu. 27 chevilles à tenir le haut du pavé. Y'a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais. Les leurs mots traînent au coin d'une instru. Surveille ton flow. 93 passes pour se retrouver près du recours. Si la gloire nous refoule, on allume sur le physio. En caillera comme une paire de Nike Air dans un camos. Tous fêlés dans nos têtes sur le marché parallèle. Je ne suis pas dans le game, je suis le rap game man. On débarque en force, c'est là, Drake tu nous t'aimes. La sape, la liasse, c'est ce rap qui fait du dégât. Hey. Écoutons ce que les morts nous enseignent. Les seules limites d'un homme se trouvent dans ses rêves. Si la gloire est dans la souffrance, la France est dans la merde. Ne cherche pas de compromis parce que je suis vénère. Écoutons ce que les morts nous enseignent. Les seules limites d'un homme se trouvent dans ses rêves. Si la gloire est dans la souffrance, la France est dans la merde. Ne cherche pas de compromis parce que je suis vénère. La racaille ambition, sors la machine à compter les buffons. J'ai la racaille ambition, sors la machine à compter les buffons. Hey, mais là, refrain, y'a pas assez de bif là. Non, t'inquiète, Jay, il m'a ramené un colis là. De toute façon, ouais, t'inquiète, mais... je gère. Mais faut que la mif elle grimpe là. Les max à fond sur le périph, je repense à tous mes périples. Les couilles guidées par l'ambition, je crache ma rage de mauvais garçon. Gros, c'est pas la prison qui me pousse à me faire une raison. Pour moi, les plaques n'arrivent jamais sans de grosses claques. Je veux une bête de baraque, couplée d'un palace au bord de la playa. Pour moi, MS Rab, on vient d'en bas. Au père, la ville, le maire s'en bat. Où les jeunes se battent en bas d'un bat pour interdire. Qui ne paye pas, la ville où des revers mangent des lance-bas. Ici on braque, on rague, comme d'hab, mec, on bombarde. C'est clair, j'ai la racaille ambition, celle qui choque les guerres et que ma mère prend pour une malédiction. Écoutons ce que les morts nous enseignent. Les seules limites d'un homme se trouvent dans ses rêves. Si la gloire est dans la souffrance, la France est dans la merde. Ne cherche pas de compromis parce que je suis vénère. Écoutons ce que les morts nous enseignent. Les seules limites d'un homme se trouvent dans ses rêves. Si la gloire est dans la souffrance, la France est dans la merde. Ne cherche pas de compromis parce que je suis vénère. La racaille ambition, sors la machine à compter les buffons. J'ai la racaille ambition, sors la machine à compter les buffons. J'ai la racaille ambition, sors la machine à compter les buffons. J'ai la racaille ambition, sors la machine à compter les buffons. Ah, j'espère qu'il y en a bien là. Ah, attends. Ouais, mais je crois qu'il peut y avoir plus là. T'as vu, il y a la baraque au deux blés à faire. Vas-y, renvoie voir encore là. Ah, les darons, ça rage dans la semaine, c'est pas bon là. Ouh, là ça bon, ça fait un sacré paquet. Ouais, y'a le billet d'avion là, le daron. Ouais, si, je pars dans la semaine là. Ah, bah vas-y, c'est bon. Oui, si. XP, allosif, clic. Hémoglobine sur le Glock. Clic-clac, t'es sur le sol, nigga.